C'est un jeudi quand même mature, même 40 ans comme ça. Donc quand tu venais, tu t'attendais à voir un homme qui est géant. Non, pas forcément ça. Bon. Un homme. Non, pas. Un homme mûr. Ou bien un grand homme de Dieu. Non, est-ce que c'est sur l'apparence qu'on voit un grand homme de Dieu? Oh, moi, je sais, je ne suis pas par l'apparence, un grand homme de Dieu. Pas ça. Mais tu as été choqué, quoi. Non, pas vraiment. Mais quand toi, tu m'as vu, je... Non, oui, c'est vrai quand même pour toi, j'imaginais une femme, ça, le flash de la tête, bien, bien, machin. Et moi alors? Ah, bon. Je croyais que c'était quelqu'un de 40, 42 ans. Oui, 40, 45 quand même. En fait, parce que quand il parle, quand il enseigne, c'est avec autorité, il ne m'entendait pas. Il compte. Voilà. Tu viens, tu vois un petit garçon. Non, pas un petit garçon, il n'a pas dit ça. Je finis, je l'amène parce que je dois me laver. Je fais comment? Je la dépose là-bas. Ok. Elle va dormir de toute façon, elle a sommeil. Alors on peut commencer. Que le Seigneur te bénisse. Dès qu'on est prêt, nous sommes prêts, on vient alors. Oui. Merci. Allez, bonne arrivée. Merci. On va commencer, mesdames, avec les questions. Je suis le frère Junior. Dis donc, la Bible est devant toi. Je suis devant toi. Pose toutes tes questions. Toutes tes questions. D'accord? Il y en a tellement. Bon, frère Junior, j'aimerais savoir un truc. Dans la Bible, on dit nul ne verra le royaume des cieux s'il n'est baptisé d'eau et je crois du feu, un truc comme ça. Et dans l'autre, on dit nul ne verra le royaume des cieux s'il n'est baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Et j'entendais souvent les gens, surtout mes amis, dire je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. À un moment donné, je me disais né de nouveau, c'est quoi? C'est quand on s'est repenti. Je ne sais pas c'est quoi veut dire né de nouveau. Et c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit? Comment savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Et moi, j'ai l'impression que. C'est vrai, quand j'ai eu à lire Corinthiens, où l'apôtre Paul disait, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit vient toujours avec un don. Soit le don de prophétie, soit le don de connaissance, soit le don de langue, tout ça. Là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que si tu n'as aucun don, sache que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, dans son cas, on peut avoir le don sans le Saint-Esprit. Oui. Et par conséquent, le Saint-Esprit manifeste les dons. Les dons. Ok. Non, un moment donné, j'ai eu à demander à frère Bousquet, mais parce que quand j'ai lu ça, je suis donc rentrée à demander à frère, mais frère, est-ce qu'on peut avoir un don et sans le connaître? Moi, je dis, ah, il faut l'éprouver. Après, il ne m'a pas répondu clairement. Moi, je te dis, continue à te sanctifier comme d'habitude. Sanctifie-toi, c'est ce qu'il m'a répondu. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on est de nouveau? Oui. L'enseignement sur Bamba Eba. Tout sur la nouvelle naissance, une partie de nous avons fait à la radio Bonne Nouvelle. As-tu compris, as-tu perçu quelque chose? Bon, moi, j'ai dit, il a compris. C'est vrai que je n'ai pas lu, il n'a pas écouté un et deux et le deux. J'ai eu l'impression qu'on laissait nous, c'est comme un tic, je ne sais pas, comme une révélation qui te pousse à, je sais pas, sans le vouloir, à chercher la parole de Dieu. Toi, tu ne sais pas pour qui ça t'arrive. En fait, c'est ça que moi j'ai compris la naissance. Mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Il n'y a pas fait. Je ne suis pas capable. Si quelqu'un me demande là que tu n'es de nouveau, c'est vrai que je vais dire parce que là, moi, là maintenant, je ne sais pas, j'ai une quête. Au moins, si on te dit que tu es né, tu peux connaître le jour de ta naissance, sur le plan de la naissance naturelle. Oui. C'est ainsi avec la nouvelle naissance. Tu dois savoir quand tu es né de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose. Donc, comme tu as la date de naissance de ta ancienne naissance, tu connais la date de nouveau. Justement. De naissance. Frère Bess m'avait dit ça parce qu'il m'avait dit qu'il était né en 2014, un truc comme ça, lui. Voilà. Alors, ceci est différent de j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut que ce soit bien clair. Que je suis resté comme ça, il dit j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que la nouvelle naissance consiste du fait que l'homme ne participe pas à cela. D'accord? Bien sûr. C'est automatique. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 2, verset 12, prenons, commençons par là. Jean chapitre 1. Tu n'as pas peur d'aborder les questions bibliques comme ça pour qu'on te dise les vérités qui vont te blesser? Ah, si ça me fait du bien, moi je suis prêt à écouter. Ok. Wow. Lisons Jean chapitre 1, verset 10 à 13. Verset 10 à 13, oui. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Non, on ne dit pas les, lesquels sont nés, ces enfants sont nés. De nouveau. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon, maintenant, ça veut dire que dans ce verset 13, n'est-ce pas, puisque le verset 12 finit par lesquels sont nés. D'accord. Si on ne lit pas non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si on lit d'abord lesquels sont nés de la volonté de Dieu, parce qu'on dit mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Lesquels sont nés de Dieu. Avant de lire toutes les autres choses. Parce que les autres choses, c'est l'exclusion de cette participation de ces différentes personnes à la naissance-là. Parce qu'on dit lesquels sont nés, lesquels sont mis pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. On dit ces enfants de Dieu sont nés de Dieu. C'est pas ce que je me comprends. Il dit le verset 13 finit par mais de Dieu. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est Dieu qui décide la nouvelle naissance. Bon, donc écris donc dans ton cahier la décision de la nouvelle naissance. Voilà. Je crois que c'est le point qu'il faut vraiment se coucher. Il faut qu'on voie plusieurs choses donc, concernant ce domaine-là. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vois que tu as lu la Bible, tu as compris plus que les grands pasteurs. Tu as vu ça? Alors, maintenant, en relisant le verset 12, en relisant donc le verset 12, regarde bien, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? On commence à exclure. Donc, leur naissance, c'est pas par le sang. Non. Ni de la volonté de la chair. On éligne. Ni de la volonté de l'homme. Donc, ça claire ici que l'homme ne peut pas vouloir naître de nouveau. Et il le fait. On dit, mais de Dieu. Donc, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc de la volonté de Dieu. Mais frère Junior. Oui. La volonté de la chair et la volonté de l'homme, c'est pas la même chose ici. En plus, l'une est comprise dans l'autre. La chair est comprise dans l'homme. Parce que tu peux pousser comme les gens font tous les jours de choses. Quand on fait... main, on oui. Dit, tu voilà. Alors tu vois que ça c'est la chair. Maintenant tu dis, toi-même tu peux te quitter maintenant que désormais il faut qu'il naisse, il faut qu'il naisse de nouveau. Après tu dis non, je suis né de nouveau. Ça ne peut pas marcher comme ça. Alors au chapitre 3. Chapitre 3. Verset 3 à 7. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est là où ça a commencé, voilà le vrai problème. Donc quand c'est Jésus qui cause ici avec Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Tu vois cela? Or maintenant, quand Jésus dit cela, on s'attend à ce qu'il dit maintenant, ok. Comment, si tu dis à quelqu'un qu'il faut que tu naisses de nouveau, comment la personne va faire pour naître de nouveau quand ça ne dépend pas de lui? C'est Dieu qui décide quand tu vas être nouveau. Si tu es même d'abord dans la liste, justement. Il faut que tu sois d'abord dans la liste des candidats aux nouvelles naissances. D'accord. Continuons. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, c'est la question naturelle. Je n'ai pas compris ça cette fois. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance consiste à la naissance de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas? Voilà. Verset 6. À chaque étape, si tu ne comprends pas, on arrête, on parle. Répète encore, la nouvelle naissance consiste à quoi? En haut, il faut vraiment qu'on comprenne la conversation d'abord. Regarde bien, le verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand il a parlé de naître de nouveau, Nicodème a posé la question concernant cela. Dans ce cas, comment nous sommes déjà, non, nous sommes déjà plus vieux, comment on va rentrer? Jésus dit la même chose en citant d'autres choses, d'autres paramètres. Ça se pose que ce qu'il a de faire, il a d'expliquer ce qu'il vient de dire. Donc, naître de nouveau veut dire naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui disent souvent que c'est de nouveau là, il faut être sûr que le Saint-Esprit en toi. Ah, salut-moi, salut, tu as compris. Donc normalement on peut arrêter maintenant. Que Dieu te bénisse, d'accord? Ça veut dire que tu en as compris. Alors maintenant, vas-y au verset 6 et 7 maintenant pour voir que c'est exactement ce que tu as dit. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, comme par exemple, tu es le fils de ta, tu es la fille de ton père et de ta mère. Voilà, tu vois, c'est chair. Oui, mais. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ça veut dire que si tu es né de l'esprit, tu as l'esprit là, non? Parce que tu vois, c'est chair. Parce que tu es né d'une relation de chair. Quand on est né d'un contact avec l'esprit, on devient esprit. D'accord? Voilà. Alors, ça veut dire que tu as bien saisi. Normalement, là, tu as résumé ça. On pouvait arrêter ici. Oui, tu peux écrire si tu le veux, d'accord? Que Dieu te bénisse. Amen. C'est fini. Et Éphésiens chapitre 1. Note déjà Éphésiens chapitre 1, Jacques chapitre 1. On va aller dans ce livre-là. Et puis on va sortir avec ces notes. Éphésiens chapitre 1, Jacques chapitre 1. Et puis Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 22 à 26. Voilà. Donc, commençons par Éphésiens. Lisons le verset 3 au verset 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Tu as entendu ça, non? Parce que on ne fait pas n'importe quoi sur la terre au hasard. Si Dieu ne t'a pas choisi par élection, tout ce que tu fais là, c'est pour tes arrière-grands-parents, la famille et tous les descendants. Ça ne concerne pas Dieu. Continue. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Tu as vu ça? Selon le bon plaisir de sa volonté. Souligne ça. Le bon plaisir de sa volonté. À qui il veut. Continuons. À la louange de la gloire, de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc sa volonté était un mystère, oui. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc c'était sa propre pensée. Pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Écoute maintenant, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, ça va être chaud. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, tu entends ça? J'entends, mais je ne comprends pas. Celui qui opère toutes choses, c'est lui, au niveau de la volonté toujours dont tu te trouves. Donc Dieu fait quelque chose selon la volonté qu'il avait prévue. Donc personne ne peut lui dire pourquoi tu fais telle ou telle chose. On ne force rien. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. On entend quoi? La parole de la vérité. Oui, on appelle encore ça quoi? L'évangile de votre salut. Oui. En lui, vous avez cru. Donc, dès qu'on entend la parole de la vérité, encore appelé l'évangile de votre salut, quand on croit, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, maintenant, si on regarde toutes ces choses, on voit effectivement que la nouvelle naissance consiste en nettoyage de la parole, puis l'Esprit entre en action, alors que la parole de vérité est prêchée, n'est-ce pas? La bonne parole par la bonne personne. Oui, c'est ça, justement. Que Dieu te bénisse encore. Donc, ce n'est pas n'importe qui prêche la parole de vérité. Il faut que tu sois envoyé. Notre Romain, je peux te dire. Oh, ça. C'est magnifique. Et c'est magnifique. Quand tu lis la parole de cette façon-là, des choses vont se détacher automatiquement en toi. Notre Romain, je peux te dire, et on y va. Avant de, je crois que c'est mieux de finir rapidement ici, puisqu'on est presque à la fin. Mm-hmm. Donc, il dit, après avoir entendu l'évangile, quoi, la parole de vérité, on entend la parole de vérité, la vérité. L'évangile de votre salut en lui, vous avez cru. Donc, sa parole de la vérité, l'évangile de salut révèle qui est Christ Jésus. Et quand ça parvient à venir à toi, tu crois. Puis on dit que vous avez été quoi? C'est le Dieu Saint-Esprit qui avait été promis. Tu vois ça? Oui. Et puis maintenant, on dit quoi? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il n'y a pas plus merveilleux verset comme cela. Vraiment. Donc quand tu entends, tu crois, il te scelle du Saint-Esprit, on dit lequel est un gage. Un gage, ça veut dire une sûreté plus sûre que ce que tu peux avoir sur la terre. Donc voici ce que les chrétiens doivent attendre. Très génial. Oui. Ne dis pas que je te coupe, s'il te plaît. Si je comprends bien ce verset-ci, oui. Ça veut dire que dès la fondation, ce que notre Seigneur avait déjà écrit dans le livre de la vie, oui. Il suffit juste qu'à ceux-là, on prêche la bonne parole et pas la bonne personne. Oui. Si eux croient, ça le va. Le Saint-Esprit viendra sur eux. Il viendra toujours le Saint-Esprit sur eux, d'accord? Et quand voici la plus mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, on dit lequel? Parce qu'en haut, on dit, et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel? C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a été promis est le gage de notre héritage. C'est-à-dire que la certitude que tu es l'héritage de Dieu. Tu lui appartiens. Que tu lui appartiens. Et il y a ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Absolument. Alors, parce qu'il a dit que il nous a bénis avec de toutes sortes et en nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants. Donc, ça veut dire qu'on est des enfants de Dieu par prédestination. Tout le monde. Ah, non, pas tout le monde. Comment tout le monde? Si c'est tout le monde, c'est qu'on n'a plus besoin de prédestination. Quand Jésus dit j'ai encore d'autres brebis, il veut dire que tout le monde n'est pas pour lui. Dans H, il y a encore ceux qui sont égarés là-bas et qu'il faut encore qu'on. Oui, il faut qu'on va le ramener. D'accord. Alors, ici, le point encore, c'est le Saint-Esprit est le gage. Quand tu vas au marché, tu vois par exemple un pain ou bien un drap qui te plaît. On dit c'est combien? On dit, tu dis 20 000. Celui qui vend dit 20 000. Tu dis je n'avais pas prévu acheter cela, mais j'ai vu ça me plaît. Tu donnes 5 000 francs à la personne. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'avance, je garantis. C'est, à cet instant-là, ça t'a appartient. Le temps d'aller chercher quelque chose. Et c'est ce que Jésus, notre Seigneur, dit dans ce Jean chapitre 14. Il dit dans Jean 14, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ceux qui croient en Christ sont scellés de son esprit. Quand il va venir, il va les prendre. Donc, et donc, pour montrer qu'il revient, il vous donne donc le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Voilà donc, il faut soupirer après. Seigneur, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on va prier pour toi, il va t'imposer les mains. D'accord? Voilà. Alors, donc, là où tu te trouves là maintenant, tu peux mieux et rapidement recevoir de cet esprit-ci mieux que quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi. En lisant cette même Bible, c'est en soulignant comme ça. Puisse-moi souligner ça. Alors, parce que ton cœur est à la recherche de la vérité et tu es dans la bonne position. D'accord? Voilà, Romain, je peux te dire. Romain. On n'a pas encore lu. Ézéchiel, Jacques, esprit, oui, reviens. Allons dans le livre. Parce que c'est toi qui as soulevé notre pan en disant que mais il faut que ce soit poursuivi par la bonne personne. Bonne personne. Je vais justement montrer effectivement que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Romain, chapitre 10. 10. Lis le verset 14. C'est bon. Car. Non, verset 13 d'abord. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Donc, on dit d'abord que quiconque, n'importe qui, a priori, quand on regarde, on a l'impression que n'importe qui peut invoquer. Allons-y. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne peux pas l'invoquer. Donc, tu n'as même pas le droit de croire. Comment on dit pour ça? C'est une question. Comment doit invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Invoque sans croire. Voilà. Et là maintenant, tu ne peux pas invoquer sans avoir cru en lui. Continuons. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc pourquoi tu crois en lui? Il faut qu'on ait parler. Continuons. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour qu'on puisse parler de lui, afin qu'on croie en lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui en ait parlé. Continuons. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Stop. Donc, ça veut dire que pour que les personnes soient là pour annoncer quelque chose, pour qu'on croit en lui, pour qu'on écoute et on croit en lui, il faut que ces personnes soient désenvoyées. Regarde-moi. Ça veut dire les envoyer, comme Paul le fit, comme l'était et les Pierre. Jésus a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Donc, ils ont été envoyés, commissionnés. Et non une formation qu'ils ont fait. Et non une formation. Ils doivent recevoir une commission. Si tu n'as pas reçu de commission, tout ce que tu fais, c'est pour tes gens à côté. Tout ce que tu as envie de faire, là, c'est un peu comme tu as volé le mouton. Ça veut dire, frère Junior, même un chrétien quelconque qui a, par exemple, à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, par exemple, un don de guérison par la langue. Oui. S'il va prêcher, c'est pour lui, sa famille. Non, il y a une chose. Tous les dons que Dieu donne, la finalité, c'est pour au service du corps. Ça veut dire que c'est au service du corps de Christ. Quand, c'est l'une des grandes vérités de la Bible ici. Quand quelqu'un a un don de guérison, ça ne fait pas qu'il va créer son propre ministère. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il va dire ministère de guérison. C'est pour le service du corps des chrétiens. D'accord? Sous réserve de comprendre que le corps de Christ, c'est les chrétiens, pas un bâtiment. Si on comprend bien ça, ça fait un jeu. Parce que, en réalité, au milieu des chrétiens, par exemple, dans Jacques, au chapitre 4, dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, que les anciens prient en main. Voilà. Poser la main. Maintenant, si la personne est quelque part, donc, il dit que non. Si vous ne voulez pas venir chez moi pour prier, il y a un problème. Tu vois? Alors, celui qui est appelé à l'enseignement enseigne. Si quelqu'un a besoin de guérison, il va vers la personne qui a le don de guérison, prie pour lui. Voilà comment le corps fonctionne. Et non que parce qu'il y a des guérisons. Oui, parce que mon ministère. Évangéliser. Non, c'est pas comme ça. Chacun aille dans son couloir. Il y a des gens qui sont spécialisés pour te faire telle chose. Je n'ai pas été envoyé pour l'évangile. Fais ce que tu fais ce qu'il faut que tu aies fait. Voilà, et frère. Nous avons le nom. Ou le chapitre 12. Lis le verset 4 et suivant. Jusqu'au verset 7. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Tu entends? Tous les membres n'ont pas la même fonction. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, je suis ton membre, tu es mon membre. On continue. Puisque nous avons des dons différents, oui, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les ait selon l'analogie de la foi. C'est pas aller évangéliser qui est dans ta version. Hein? Non, non, hé. Hey, comment prophétie. Ça? On dit que celui qui a le don de prophétie va évangéliser avec. Non, c'est pas ça. C'est toi, c'est quoi? Que celui qui a le don de prophétie les exerce selon l'analogie de la foi. Mais comment sur moi c'est écrit quand il parle d'évangéliser avec alors? C'est lui second que moi j'ai, je sais pas. Mais moi c'est lui second. Continuons le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oui. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Oui. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, tout est là, de tel enseigne. On n'a pas dit que celui qui enseigne va créer le ministère d'enseignement. Wow. Tu vois le problème. Alors, c'est une autre branche de la question qu'on pourrait s'étendre. Ça veut dire qu'en réalité, si on comprend le fonctionnement du corps, est-ce que tu as vu ta main sortir pour aller marcher seule? Non, on va voir ensemble. Chacun a son don. Quand tu marches, quand tu as tout voulu ouvrir la goutte, c'est pour boire, tu as envoyé ta main. Oui, tes yeux sont tournés pour regarder. Justement. Quand les yeux sont tournés pour regarder, ce n'est pas les yeux qui sont allés prendre. Ta main est avancée. Quand ta main est avancée, tu as pris une autre main pour arrêter. Ils ont participé. Tu as ouvert. Quand tu as ouvert, ce n'est pas la main qui a bu ni les yeux. Tu as donné à la partie qui doit boire. Quand tu as bu, c'est tombé dans ton ventre. Quand on est dans tout ton côté, ça se fait. Ouf. Tu vois ça? Voilà. Alors, continuons. Allons dans le livre de Jacques pour lire notre nouvelle naissance. Ça veut dire que quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, comme tu as lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, un seul et même esprit fait ces choses-là, distribue à chacun en particulier comme il le veut. D'accord? Jacques, chapitre 1. Et Jacques, c'est encore par où là? Après Hébreu. avant Timothée. Oui. Donc quand tu as traversé Timothée, tu avances, tu avances, tu avances. Non, j'avance. Tite. Oui, avance. Je suis déjà presque. C'est le mot après Hébreux. Oui. Jacques, le chapitre 1. On y va. Mm-hmm. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Maintenant, remplace engendrer en lisant avec naître de nouveau. Allons-y. Il nous a fait naître. Il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté. Nous comprenons que c'est la volonté de Dieu seule qui fait que les gens naissent de nouveau. Par la parole de vérité. On avait encore vu ça quelque part, non? Oui, dans Éphésiens. Voilà. Mm-hmm. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, beaucoup de choses sont dites ici. Un, il est mis pour Dieu. Parce qu'en gros, on parle du Père de lumière, de chez qui il n'y a point d'homme de variation. Mm. Voilà. On dit que c'est il qui nous a, Dieu nous a engendré, nous a fait naître de nouveau. Mm-hmm. Donc, deux, selon sa volonté. Pas parce que quelqu'un a pleuré, mm-hmm. mais selon sa volonté. On dit par la parole de vérité. Donc, par la parole de vérité, fait naître des gens sur la terre. La personne qui parle prêcher ne sait pas quelle parole va faire naître de nouveau. La personne parle seulement et ça fait l'effet dans le cœur de l'autre personne. Ça le sanctifie, ça le nettoie. D'accord? Ouvre Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Après, tu vas lire Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 15. Mm-hmm. Le verset 3. 15. Mmh. Jean 15, verset 3 et Jean 17, 17. Mmh. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 3. Demeurez en moi. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, Jésus dit que quand il annonce la parole, les gens sont comment? Se purifient. Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris 17. Verset 17 seulement. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, quand on prêche la parole de vérité, ça fait quoi? La sanctifie. La sanctifie. Ézéchiel. Ancien Testament. Mm-hmm. Je n'ai jamais lu ça là. T'inquiète pas, tu vas aller avant, après les psaumes. Après les psaumes. Avant Proverbe. Non, après. Tu vas ouvrir, après Proverbe, tu vas voir le cantique, je suis Jérémie, après Jérémie. Avant Ecclésiaste. Ça c'est, oui, après, traverse, tu vas voir Isaïe. Après Isaïe. Jérémie. Après Jérémie, tu vas le trouver. Ézéchiel. Oui, chapitre 36. Verset 22. À 27 même. 36. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Donc ça veut dire que Dieu n'agit pas parce que à cause de toi. Parce qu'il veut. Voilà, continuons. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Oui. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Les promesses vont commencer maintenant du verset 27 à 20, 23 à 20, 24 à 27, ce sont des promesses. Il y a 10 promesses là-bas. De 24 à 27. Oui, donc, allons-y. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Qui parle? C'est Dieu. Voilà. Continue. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. J'entends ça. Continue. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Tu entends ça? Donc, il faut que les idoles soient purifiées de nos cœurs. D'accord? Puis, continuons. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qui parle? Seigneur. Continue. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Parce que Dieu dit qu'il va faire. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de citation. Dis comment ça, merveilleuse, que Dieu dit qu'il va faire. Frère Gignon, oui. Même le fait de se détacher de cette iniquité, c'est parce que fait. Dieu a décidé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Non. Que je note la partie ici. Oui, tu fais ça bien. En cadre avec le souligner. Donc, dans cette promesse-là, tu vois que les personnes qui vont nettoyer, ils ont quelque chose à faire. C'est la volonté de Dieu. Il dit qu'il je vais faire. C'est pas parce qu'on dit qu'on va chercher ma sœur. Dans Jérémie 31, même, il dit qu'il pourrait même s'approcher de lui si c'est de sa présence de lui-même. Voilà. Note 1 Corinthiens chapitre 6. Donc tu vois que le nettoyage, c'est Dieu qui fait retirer quelqu'un du monde. Parce qu'il a dit qu'il va le nettoyer, prendre dans les nations rassemblées qui vont venir dans leur pays. Donc le retour à la patrie. Quand il retourne, oui, il te nettoie. Il nettoie l'intérieur, il nettoie, il change le cœur. Il met son esprit en vous et il fait maintenant que sa parole entre. Donc si quelqu'un est à l'église catholique ou n'importe quelle institution, tu essaies d'obéir à la loi de Dieu. C'est pour ça que les gens trouvent que c'est fastidieux. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu sans son esprit. Tu ne peux pas marcher d'après sa parole sans son esprit. Tu ne peux pas marcher et vivre par la foi dans un Dieu que tu ne vois pas avec un cœur de pierre. Il faut que tout soit nettoyé. Et il a promis de le faire. En parlant de la conversion, donc de la nouvelle naissance. D'accord? Alors dans la 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que les injustes ne trompent pas le royaume de Dieu. Ni les pudiques, les idolâtres, les homosexuels, ainsi de suite, ne retourneront pas. Il dit, c'est là que vous étiez chacun d'entre vous, mais vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été sanctifié. Donc c'est lui qui sanctifie. Si tu mens, tu ne peux pas arrêter le mensonge, parce que l'esprit est là en voyant que tu as menti. Mais quand tu crois au Seigneur, subitement, ça quitte automatiquement. Quand tu te trouves seulement, tu te dis la vérité. Pas que tu dis que oui. Pas que tu dis que il faut que je me retienne, si il dit ça. Non. Tu dis juste la vérité. D'accord? Voilà. Question suivante. Ça veut dire que la nouvelle naissance, c'est qu'on va mettre, c'est pas volontaire. C'est Dieu qui choisit, qui bon, décide. Supposons que tu veux naître de nouveau. Tu vas naître de nouveau comment? Puisque naître de nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tu vas faire comment pour qu'il entre? Moi, avant, je croyais que la nouvelle naissance se désirait en fait. C'était de lire la parole, sans le vouloir, à un moment donné, la parole devait agir en toi. Tu penses que Satan lit la parole ou il ne lit pas? Tu penses que Satan lit la parole? Tu me dis qu'il lit, il cherche à contenir pour nous induire en erreur. En tout cas, la soif de lire la parole, que Dieu crée, c'est lui qui crée. Parce qu'il a dit, venez à moi, tout ce qui avait soif. Ce n'est pas n'importe qui vient vers lui, c'est ceux qui créent la soif. Même le fait de vouloir lire la parole, c'est lui qui fait. Oui, la Bible déclare que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, une fois de plus. Aïe, comment? C'est lui qui crée le vouloir et le faire en toi. Sinon, tu ne peux pas savoir comment quelqu'un peut avoir la Bible à côté de lui. Il a son portable, il passe 2 heures sur son portable pour la Bible. Quand il ouvre la Bible, il fait. C'est vrai, frère Gignon. Alors, quelque chose ne va pas. Celui qui a l'intérêt pour ceci déposera tout pour l'avoir. Regarde ce qu'on vient de lire à Ézéchiel. N'est-ce pas merveilleux ça? Et frère, je suis aussi fait un constat. Parce que dans mon téléphone, j'ai aussi la Bible. J'ai souvent l'impression que quand je lis la Bible qui est dans le téléphone, ça. Je ne sais pas, je ne me fatigue pas, mais quand je prends l'autre, cela, je ne peux pas lire longtemps comme la Bible qui est dans le téléphone. Justement parce que la Bible dans le téléphone, c'est un problème. Le but de la Bible dans le téléphone, c'est pas te mettre dans la Bible, c'est te mettre dans le téléphone. Voici la Bible. Je vous ai dit, prends ta plume et écris dans un livre et envoie-le. Dans un livre. Et envoie-le. Quand je lis la Bible, je peux lire même si j'appelle, mais quand je finis, j'ai rien compris. Mmh. Mais quand j'ouvre le cahier, même si je lis deux versets bibliques, je sens que j'ai compris. Mmh. Mais j'ai l'impression que sur le téléphone, je peux lire même cinq livres, mais j'ai rien compris. Mmh. Et dès que WhatsApp, Seigneur, je parle, rentre d'abord WhatsApp, regarde le message. Tu lis d'abord de l'éventail un peu. Oui. Donc, ça veut dire que dépose le téléphone de côté, désinstalle cette Bible-là, lis ici. Tu as vu les miennes, non? Des questions. La nouvelle naissance, c'est bon. Quand tu vas rentrer, écoute la deuxième partie, donc tout sur la nouvelle naissance, Bamba, il va d'accord. Ce qu'on a fait à Radio Bonne Nouvelle. Et comment, donc, je crois que c'est un répondu. Je vais demander comment savoir qu'on a l'Esprit Saint en soi. Je crois qu'avec la nouvelle naissance aussi. On sait automatiquement. Voilà. Voilà. On sait automatiquement. Et c'est vrai, tu aimes le Seigneur Jésus. Ah, vraiment. Donc, tu penses que qui a mis son âme, cet amour en toi? Bon, je ne sais pas si je vais dire ça. Moi, j'ai eu l'impression que c'est peut-être à cause des difficultés de la vie. Oui, mais il l'a dit, les gens n'ont pas de difficultés. Même les Juifs, quand ils étaient dans le désert, quand ils étaient en Égypte, ils ont crié à lui, crié à lui, crié à lui. Après 400 ans, il est venu vers eux. Parce que, frère Junior, c'est vrai pour mon histoire. Comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas parfaite. Mm-hmm. Mais j'étais aussi là comme ça, une religieuse. Mais à cause des tribulations, des difficultés que j'ai eu à traverser, machin. De fréquenter, avoir les diplômes, ne pas avoir le travail, me rencontrer, voir mes amis. Ça, c'est frustré. Avec qui on a les mêmes. J'étais même meilleur qu'en classe, où ils sont les cartes de banque. Mais je dis, mais j'ai fauché haut. Oh, en fait, et on croit que c'est autant de choses qui m'ont poussé à croire en Dieu. Comme tu vois, effectivement, que si Dieu t'avait laissé comme cadre de banque, toi et moi, on ne serait pas essayé de parler en plein jour de travail comme j'ai ça. J'ai mon argent et tant mieux. Et si un de ces jours, tu passes sur YouTube, tu vois, il va dire que celui-ci blague. C'est un plénichat, c'est un marabout, ça, celui-là. C'est ce que je dis là. Donc Dieu merci du fait qu'il t'a refusé le travail jusque-là. Amen. Pour qu'on puisse parler, parce que ça, c'est bon. Il y a des gens qui auront de l'argent et ça ne peut pas s'acheter. Ça ne peut pas s'acheter. Aucun argent ne peut acheter ceci, la purification que donne Dieu ici. Il le fait gratuitement. Il a dit dans Isaïe chapitre 50, il dit que celui qui a soif vient et boit de l'eau gratuitement. Mm-hmm. Venez sans argent. Donc c'est sans argent qu'on y va. Alors il faut considérer que le Seigneur t'a mis à part pour lui. Voilà, frère Junior, j'ai suivi la première partie de et la différence entre la divination et la prophétie. Mm-hmm. Et je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui peut-il avoir une prophétie du diable? C'est-à-dire que si quelqu'un sort, qui a le Saint-Esprit en lui, peut avoir une prophétie du diable. Oui. Le Saint-Esprit ne peut pas donner une fausse prophétie du diable. Le Saint-Esprit n'est pas faux. D'accord? En fait, tu veux dire quoi, Junior? Parce que j'ai suivi, c'était un peu genre, quand le prophète dit un truc, c'est exactement ça. Mais c'est ce que ça doit être. Parce que c'est ça qui montre que ça vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose et tituber. Donc quand on a le Saint-Esprit, le diable ne peut plus nous tenter. Non, c'est différent. La tentation, c'est le propre de tout le monde. La Bible déclare que Dieu ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de votre force. Donc la tentation vient, va toujours venir pour nous éprouver. La tentation a pour but de nous former davantage à être ferme à Dieu. C'est différent du don spirituel. D'accord? Le don spirituel, c'est la manifestation extérieure. Quand Dieu dit fais telle chose, tu fais. Ça doit être venu de Dieu, ça doit émaner de Dieu, ça doit être ça. D'accord? Maintenant, on peut profiter sur l'impulsion de notre cœur, sur l'impulsion du monde. On peut profiter, c'est ce que Jérémie chapitre 13 nous dit. Mm-hmm. On peut prophétiser sous l'impulsion dont maintenant le diable. Tu peux lire ça dans le livre de 1 Roche de 22. Voilà, et en profitant sur l'effet du diable, et quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je ne parle pas de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est gardé par lui. Ok. Mais vous avez aussi. Tu as aussi dit que. Ça, c'est la prophétie de divination. Oui. Qu'on a fait à Radio Bonne Nouvelle, oui. Oui, j'ai suivi ça. Mm-hmm. Et tu as aussi dit que. C'était terrible, n'est-ce pas? Oui, moi, ça m'a vraiment choqué. Et que le prophète, en fait, tout ce qu'il dit se réalise toujours. Mm-hmm. Et les faux prophètes, on le reconnaît parce qu'ils aiment l'argent, ils aiment ceci, ils vont la cupidité. D'écouter bien les femmes des gens. Voilà. Mm-hmm. Un moment, quand je changeais même souvent, c'était un frère, je disais que, mais. Si c'est vrai que Dieu tente souvent les gens, quelqu'un peut. Dieu ne tente pas. Dieu éprouve. Satan tente. Mais Dieu éprouve quand pendant qu'il y a tentation de Satan, il y a les épreuves de Dieu derrière. Frère Junior, quelqu'un qui est là, qui a le Saint-Esprit accompagné d'un don de prophétie, et qui un matin se lève, commence à confondre son don avec le mystère de prophétie, là on va l'appeler quoi? Non. Il y a une chose, c'est que. Faux prophète. Non, pas cela. C'est pas ça qui fait de lui un faux. Le faux prophète, c'est. Attention, il faut qu'on se comprenne. le faux prophète n'est pas caractérisé dans la Bible par celui qui dit des fausses prophéties. Il faut qu'on soit clair. Parce que les faux prophètes peuvent dire des choses vraies. Parce que je dis, c'est parce qu'ils vont dire quelque chose qui soit fausse, qui fait que de lui, le faux prophète, ce n'est pas ça. Maintenant, je peux prendre deux exemples dans la Bible pour que tu saisisses ce que je dis, d'accord? Je vais seulement citer et tu vas vérifier. Et ceux qui nous écoutent pourront également vérifier. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, la Bible parle de lorsqu'il va être suscité au milieu de vous un prophète, s'il dit quelque chose pour vous amener vers d'autres dieux, ne me suivez pas parce que c'est une chose que l'Éternel n'aurait pas dite. Parce que le but final de ces prophéties-là, c'est de conduire le cœur au Seigneur. Alors, les faux prophètes peuvent vous dire des choses. Enfin, dans le marabout, on te dit des choses qui sont vraies. Justement. Alors, le fait qu'on dise des choses qui sont vraies, quand le marabout dit ce qui est vrai, est-ce qu'il a le vrai marabout? Non. Ah, donc, ça veut dire que ce n'est pas le fait, la véracité des choses. Quand Satan a dit à Ève que si vous mangez ces choses, vous serez comme les dieux, il avait dit la vérité. Oui, ça veut dire le bien et le mal. Voilà. On ne dit pas les dieux. Voilà. Et donc, maintenant, ça veut dire qu'il a dit quelque chose qui était partiellement vrai. D'accord? Donc, la caractéristique, c'est que la chose t'amène dans la crainte du Seigneur Dieu. Effectivement, d'accord. Maintenant, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, David va avoir à cœur de construire l'arche de Dieu. D'accord. Il bâtit une maison à Dieu. Il dit que, mais voici maintenant, j'habite dans une maison et l'arche de l'Éternel habite toujours sous les tentes. Il se donne pour projet, il a le conseil comme ça avec le prophète Nathan. Il dit à Nathan que je vais bâtir une maison à Dieu. Nathan ouvre la bouche et lui dit, ce que tu as dans ton cœur pour faire, fais-le. Dieu est avec toi. C'est le prophète Nathan qui a dit ça. Nathan dit ça, il part à la maison, il n'est pas dormi. La nuit, Dieu vient lui dire, ainsi par l'Éternel, va dire à mon serviteur, ce n'est pas à lui d'une partie de la maison. Mais qu'est-ce que Nathan lui a dit dans la journée? Ah, de le faire. Ouvre deux semaines, on lit. Alors, si tu étais là-bas et que tu entendais ce que Nathan a dit à David, tu vas dire, mais finalement, Nathan était un faux prophète. Non, mais il est revenu courir. Mais ce n'était pas revenu. Et que David allait construire, c'est ça devait être comment? Non, mais je me dis à l'instant, la première fois, il ne prophétisait pas, il disait juste de... Il ne prophétisait pas. Il disait juste de façon volontaire. Mais il consultait le prophète. David était en train de consulter le prophète. Mais suivez, on lit. 2 Samuel, chapitre 7. 5. 7. Oui. On dit verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tout, les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète. Nathan le prophète, oui. Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Oui, suis attentivement verset 3. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vient de le certifier que Dieu est avec lui dans cette œuvre. Alors, comment tu vas faire pour dire maintenant que ce n'était pas une prophétie? Il n'a pas dit, laisse-moi dire. Il n'a pas dit que ce n'est pas l'Éternel. Mais il a dit que Dieu est avec lui. Va donc faire cette œuvre. Verset 3, verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Voilà. Jusqu'à ce jour. Verset 17. J'ai voyagé sous une tente et dans... Non, verset 17. 17. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois effectivement que si on ne considère pas certaines choses, tu vas appeler quelqu'un faux pour faire peut-être les vrais. Il faut maintenant connaître maintenant quand la personne parle sous l'inspiration, ou bien il en a parlé de lui-même. Parce qu'en tant qu'être humain, tu es infaillible. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui entend dans le son, c'est infaillible. En tant qu'humain, on est faillible. En tant qu'humain, tu es faillible. Oui. Parce que tu ne peux pas connaître sur quoi que ce soit. D'accord? Parce que tu peux dire des choses selon tes pensées. Et le pensée de l'homme peut ne pas être le pensée de Dieu. Voilà un manifestement, un cas. Mais le vrai problème là, c'est qu'il faut savoir quand l'homme en a de parler, qui en a de parler, si c'est l'homme ou c'est l'esprit. Voilà, c'est dans là où se trouve le problème. Ok. D'accord. Voilà. Frère Junior, c'était pas là la vraie question. Le vrai vrai point. Voilà. Le vrai vrai point, comme tu dis. C'était quelqu'un a le don de prophétie. Il dit celui-là, si c'est des dons, il va créer son mystère. Non, j'arrive. C'est pour ça qu'il était dit dans la première partie quand il répondait par rapport au don de guérison. C'est la même chose pour les autres dons. Quand quelqu'un dit que le ministère prophétique, c'est déjà faux dès le départ. Mais le problème, c'est qu'on est dans un mouvement de l'esprit qui est caractéristique d'une certaine époque. C'est-à-dire que ce qui est normal, c'est que ce sont les bâtiments qu'on appelle l'église. Oh, l'église, c'est tout ce qui croit en Dieu. Voilà. Et par contre, quand tu parles à quelqu'un, même si la personne est croyante un peu comment, quand tu finis de lui parler, il te demande que tu es dans quelle église. Tu dis, frère, l'église, c'est quoi? Il dit, non, quand même, un lieu de rassemblement. Tu vois, il veut toujours quelque chose. C'est l'esprit de l'époque. L'esprit de l'époque, c'est l'esprit des gerbes qu'on a dû nettoyer. D'accord? Alors maintenant, lorsque tu regardes toutes ces choses, tu comprends effectivement que Dieu évolue dans la révélation de sa plénitude. Au fur et à mesure, il a dû lui donner la révélation pour que les gens retournent à la parole de la bonne façon, afin que chaque personne retrouve sa place, comme on a lu tout à l'heure dans le livre des Romains. C'est quelqu'un à l'enseignement qui s'attache à son enseignement. On peut dire que c'est quelqu'un à l'enseignement. L'apôtre n'avait pas créé un ministère apostolique. L'apôtre Pierre dit ministère apostolique pour les Juifs, que tous les Juifs venaient pas ici. Mmh. Ministère apostolique pour les païens n'entrent pas ici. Non. Il marchait, partait dans le même endroit, il prêchait. Quand il prêchait, après il quitte, il part, les autres viennent prêcher aussi là-bas. Mais aujourd'hui, c'est que si quelqu'un ouvre son assemblée, tu entends l'église apostolique du renouveau. Quand il envoie en Chine à Bajoun pour créer une autre branche. Bafoussam c'est une autre branche, Douala c'est une autre branche, ainsi de suite. Et puis ce sont ces gens seulement que lui il envoie là-bas. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir prêcher là-bas. Venant d'ailleurs. C'est la secte en milieu chrétien. La secte en milieu chrétien. Parce que la Bible déclare que ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il ne faut pas qu'il y ait de division parmi vous. Donc quand tu ne portes pas d'extampille, ça fait bizarre. Pourtant c'est l'extampille qui pose problème. Parce que l'extampille dénonce, donc divise. La dénomination c'est le symbole des divisions. C'est vrai. Moi-même, frère, avant de venir ici là, je vais pas te mentir. Je pose des questions. Voilà, en fait, j'avais les suspicions. En fait, quand Bruce est venu à la maison, chaque fois, je lui demandais toujours, tu as fini de parler de lui. Maintenant là, tu persévères. Oh, voilà, en fait, c'est ma question. Il me disait toujours, ce qui est important, c'est que je veux que tu écoutes la parole. Tu n'as pas besoin de savoir là où je vais. Là, ça, je vais continuer à venir t'exhorter comme ça. Là. Mais à un moment donné, moi, je me suis dit, bon. C'est pas utile. Mm-hmm. Puis, quand je demandais que bon, tu vas où persévérer, il ne me disait pas. Compris. Mm-hmm. Il ne voulait pas que le monde dise que c'est lui. Voilà, justement. Mais un jour, par curiosité, j'ai dit bon, parce qu'il disait en fait, on ne doit plus dire église, on appelle ça les assemblées. Quoi. Mm-hmm. Et des dénominations. Justement, qu'on arrête de dire que ce que tu dis, bah, l'église, c'est ça que c'est. Pas, faux. C'est pas. C'est, ce qu'on dit, l'église, c'est abus. C'est ça qui fait que les gens, quand tu dis que l'église, c'est quoi? Quelqu'un dit que c'est le lieu où on prie. Non. Alors que l'église n'est pas un lieu. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul verset ici qui appelle l'église le lieu. C'est le corps. L'église, c'est pas ça. On dit juste qu'il est mort pour l'église, il est mort pour le bâtiment. Non. Ah. C'est pour ceux qui croient en lui. Voilà, maintenant, dans ce cas, c'est ça l'église. Alors, quand tu vois dans l'église catholique, que c'est pas là-bas, voilà l'église catholique. Ça, c'est terrible. Tu es censé servir Seigneur Jésus. On n'a pas besoin de se séparer parce que je suis là-bas. Je suis exactement. Ici. Parce que tu peux traverser, tu dis que tu peux aller chez tes mères le jour, tu passes, tu traverses, tu pars à travers les évangiles le septième jour, tu pars plutôt chez les catholiques, n'est-ce pas? Après, tu le vois en partant dans ce sens, lui, il en devient dans ce sens. Vous te regardez en route, vous avez la Bible, personne ne salue personne. Vous allez. Et puis vous priez Jésus. Ça n'a pas de sens, ça. Tu vois, ça n'a pas de sens, pas vrai? Même Bible en main, on ne peut pas se saluer. Et cette Bible a dit, quand tu dis à un païen que tu salues celui que tu connais. Mais les païens font de même, ça nous aussi ce qui t'aime. C'est aussi ça. Dans ce cas, quelle est la nouvelle chose que tu fais? Okay. On a des problèmes. Et ces problèmes, c'est cette barrière, c'est principalement causée par les dénominations. S'il n'y a pas 7e jour, 8e jour, 9e jour, catholique, protestant, on n'aurait pas de problème. S'il n'y a pas toutes ces choses. Quand je parle à quelqu'un maintenant, si tu peux parler à quelqu'un, il dit que non. Moi, je connais 3 églises, catholiques, protestants et les musulmans. Tout ce que vous faites là, je n'en connais pas. Ça veut dire que ces 3 si on crée des problèmes. Donc, ils ont été là, ils ont engendré des filles. De temps en temps, si quelqu'un n'appartient pas là-bas, on a le problème. Supposons que personne n'avait d'extampille. C'est quand on devait parler le langage biblique. Oui. Quand tu veux parler un peu, on dit que montre-moi dans la Bible. On reste tranquille. Mais là, quand tu parles de quelque chose, on dit que non, chez nous, les catholiques, nous ne croyons pas comme ça. Après, quand tu parles de Jéhovah, tu dis que non, je vais prier maintenant le nom de Jésus. Donc, chez nous, les témoins de Jéhovah, nous ne croyons pas comme ça. Si tu es un adventiste, c'est juste allons prier là-bas dimanche. Il dit non, chez nous, nous prions samedi. Tu as vu cela? Oh, il n'y a pas un jour. Chacun a la Bible. Chacun a sa Bible en disant toutes ces choses. Et souvent la même lit second tout le monde, même parfois. La Bible dit c'est que quand la Bible va te poser la question maintenant. Jésus, lui, il avait quelle église? Sur cette dénomination-là. Quelle est l'église pour laquelle Jésus est mort? L'église catholique? Non. Protestant? Non. Évangélique? Pentecôtiste? Septième jour. Si aucune de ces églises qu'on a représentées, Jésus n'est mort pour elle, c'est que vous avez le problème sur la terre. Je Tu as tellement expliqué les choses, mais je veux que tu répondes à la question que je suis en train de poser là. Je dis bien que quelqu'un a un don. Oui. Don de prophétie. Il va créer son ministère. Voilà. Il doit être corrigé. C'est sous-entendu de dire que c'est ça qui a créé les dénominations sur la terre. Mais je dis que c'est parce que c'est l'esprit de l'époque. Voilà. À ce moment-là, il est quoi? Faux prophète? Non, il n'est pas faux prophète. C'est pas ça qui caractérise les faux prophètes. Oui, il est un bon prophète. Il est un bon prophète, mais il est sorti hors des temps. Oui, il est en train hors de cadre. Oui, là, qu'est-ce qu'on me dit? Il s'est détourné de ce. Non, il ne s'est pas détourné. L'église de Dieu se fonctionne sur la terre. Hein. Bon, je vais te prendre un exemple, c'est pour que tu comprennes. Gagne mieux comprendre. Tu es déjà allé au champ. Tu as eu à mettre le maïs au sol. Bien sûr. Quand tu mets le maïs au sol, après 4-5 jours, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu as mis le maïs au sol, tu as fermé. Après une semaine, qu'est-ce que tu veux? Tu vois quoi? Bon, est-ce que les poussins sont grands? Ils n'ont pas les mêmes tailles. Ok, maintenant, je pose la question d'abord. C'est ce que tu avais mis au sol là-bas. Hein? Ce que tu as mis au sol, c'est ce que tu vois. Non. Qu'est-ce que tu vois? Les feuilles vertes. Cette feuille-là, c'est le maïs. Non. Après 4 mois, après 3 mois, ce que tu vois, ce que tu veux, tu vois. Il y a les trucs qui sortent, les épis, le maïs sort, mais ce n'est pas encore à maturité. Ça, c'est encore le maïs. Non, c'est là les épis. C'est là les épis. En même temps, après, quand tu arrives à maturité, qu'est-ce que tu viens prendre à la fin? Les épis, il y a les épis. Quand tu ouvres cet épis-là, tu enlèves toutes les feuilles, qu'est-ce que tu trouves? Plusieurs grains de maïs. Et les graines de maïs sont semblables à ce que tu as mis à terre? Non, même pas. Mais quand tu regardes les graines de maïs, c'est les mêmes graines que tu as mis en bas? Non, ils se ressemblent, mais c'est pas identique. Ils se ressemblent. Mais dès le départ, juste à ce que ces processus-là arrivent là-bas pour qu'on puisse voir ça, tout ce que tu voyais là, c'était le maïs, non? Mm-hmm. C'était les constituants du maïs sans être le maïs. Tu vois? Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dit que si quelqu'un dit, ok, je suis la feuille, c'est moi qui suis l'église, c'est pas encore lui. Parce que ce qui a été semé de le départ, c'est ce qui sera à la fin. Jésus a mis un modèle de le départ. Ça doit progresser, ça doit grandir. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont dans une suite d'états bien déterminée. Ils sont dans un programme. Donc, même si tu veux dire n'importe quoi aux feuilles de maïs, que non, devient le maïs, on doit te griller pour manger et ne devient pas jamais la feuille de maïs. Mais pourtant, ces feuilles de maïs participent à ce que ces maïs-là puissent sortir plus tard. Parce que si tu coupes toutes les feuilles, ça ne produira plus de maïs. Parce que les feuilles, la photosynthèse doit être là pour pouvoir nourrir ainsi de suite. D'accord? Donc, maintenant, chaque chose a son temps. Si quelqu'un est destiné dans cette ère-là pour être feuille, il sera feuille. Mais le but, c'est la semence qu'on a mise en terre se retrouvera là-bas. Cette semence, c'est quoi? C'est la parole. Quand la parole sort, c'est la même parole qu'on va se trouver multipliée et grandissant. Il dit, c'est quelqu'un, on a lu quelque part où il dit que si quelqu'un demeure en moi, il portera beaucoup de fruits. Et le frère les mondera encore davantage. D'accord? Donc, ce n'est pas que si quelqu'un est prophète, a le don de prophétie, il ouvre son ministère, il est faux prophète. C'est pas ça la caractéristique du faux prophète. Le faux prophète est faux dès le départ et il va devenir vrai. Ok. Voilà, ça veut dire que Dieu ne le connaît pas. C'est pas Dieu ne donne pas le don à quelqu'un pour que la personne devienne fausse. Ok. Mais Dieu va le corriger dans une façon ou d'une autre quand il se fait. Voilà, c'est ça qu'il est. Ça veut dire que parmi les gens là qui ont écrit prophète machin là, si. Beaucoup d'entre eux, Dieu ne les connaît même pas comme ces prophètes. Beaucoup comme ça. Et parmi aussi, il y a ceux qui s'est jetés parce qu'ils ont eu le don de prophétie, ils ont compris. Oui, ils ont compris parce qu'ils ont été, soudoyés ou bien trompés par ces façons de faire qui est naturelles sur la place. Un peu comme je t'en ai dit, tu connais maintenant que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Non, c'est. Quand tu vas rentrer à la maison maintenant, ta mère va dire que tu vas à l'église, dire que je n'ai pas plus à l'église. Tu vas encore ouvrir la bouche pour dire que je n'ai pas plus à l'église. Parce que c'est pas naturellement, on dit qu'il faut aller à l'église. Enfin, pour qu'elle comprenne aussi, je parle le langage des comprends. Maintenant, si celui-là dit qu'il y a le don de prophétie. Mais je n'ai pas dit tout ce que c'est tous ceux qui croient en Dieu. Maintenant, quand celui-là qui a le don de prophétie, qui a aussi ouvert le ministère comme les autres font, il dit que si je ne fais pas comme ça, les gens ne vont pas comprendre. Il faut qu'ils fassent comme les autres. Je ne sais pas si tu comprends. Mais nous sommes de ceux qui disent si c'est A, on dit A. Si c'est B, on dit B. C'est ça dont il est question. Le vrai problème maintenant, c'est que quand tu vas venir dire à celui-là maintenant que fais comme ça, il va dire que non, depuis des années, je fais comme ça et Dieu m'est béni. Tu vois ça? Ça veut dire, en fait, ce que tu dis, je comprends, mais oui. Tu n'as pas rebondi. En fait, entre dans la profondeur encore. Voilà. Je vais te dire quoi? Parmi tous les gens qui sont là-dedans, qui disent que je suis prophète, église, marché, comme tous les prophètes qu'on voit là, Ndokoti, Lobo, tout ça là. Oui. C'est vrai qu'ils sont très peu. Ça veut dire que parmi eux, il y a même les bonnes brebis qui, dès le départ, Dieu a juste un don de prophétie. Oui. Et non un don ministériel. Oui. Mais ils ont pas abus. Aller faire ces choses-là. Parce que le ministère prophétique est différent du don du prophète. Voilà. D'accord. Donc, prophétie, oui. Ça veut dire que même comme il a exagéré en partant faire le ministère prophétique, à la base, il est quand même vrai, le Saint-Esprit en lui. La chose, c'est qu'il est dérivé n'importe comment, il a toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dieu ne peut plus retirer ce Saint-Esprit qu'il a donné à quelqu'un. Ouvre Romains chapitre 11. Ouvre rapidement Romains chapitre 11. Dieu ne peut pas retirer ce Saint-Esprit. Dieu ne peut pas empêcher ce don d'agir. D'accord. Mais il aura des problèmes. Les problèmes qu'il va avoir là-bas, il va supporter. Il va supporter. Voilà. Dieu ne sera plus avec lui. Voilà. Donc, on ne va pas on coupe de pied ou on fait moi. Romains chapitre 11. Lis le verset 29 seulement. car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Tu as entendu, n'est-ce pas? Waouh. Ça veut dire que quand Dieu donne, il a donné. Donné. C'est ton problème, c'est, tu fais comme c'est donc pour cela que même pour Satan, il n'a pas retiré un seul de puissance qu'il avait donné. Ah, c'est pour ça que vous dites que les démons que Dieu avait créés depuis sont toujours là. Ils sont toujours là, ils ont les mêmes puissances. La même puissance. Dieu pouvait le détruire avec sa puissance. Il pouvait retirer sa puissance. Il dit que comme tu m'as désobéi, il prend ma puissance. Dieu l'a chassé avec la même puissance. C'est-à-dire que la puissance que Dieu a accordée à Satan quand il a créé la même puissance. Donc tu vas voir un peu les frontières. Tu dis non, Satan, il était. Voilà, d'accord. Ça, que, d'abord, maintenant j'ai compris. Ok. Ça veut dire que même parmi les prophètes là qui sont cupides, oui. Parmi eux, il y a ceux qui ont le Saint-Esprit. Oui, et qui vont revenir. Parce que d'autres ont dit qu'ils n'ont pas envie de manger comment. Dieu veut les faire revenir. Il y a plusieurs qui sont laissés repentir maintenant. Ils m'ont compris. Ils disent clairement, il y a des gens qui disent maintenant clairement qu'aujourd'hui nous servions Dieu et pensaient que c'était Dieu qu'on se va qu'on était servi maman. Ils quittent cette voie là. C'est pas tous qui sont coupables. Ils conduisent son œuvre normalement. Il y en a plein qui sont en train de comprendre. D'accord? Parce que tu sois enfant de Dieu, la Bible déclare à Hébreux chapitre 12 que c'est comme les fils que Dieu nous corrige et nous châtie pour qu'on ne partie pas sa sainteté, pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde. Donc si tu es enfant du Seigneur et qu'il te connaît, montre du sang, vis avec les gens, va vivre dans la vérité, va vivre dans le monde. Il va t'accarabler, t'es chicoté. Tu vas voir, mais pourquoi c'est moi ce qui fais comme ça? Pourquoi c'est moi ce? Parce que tu es son enfant, tu dois revenir à la maison. Quand tu vois, si les enfants sont des jeux, ils font des bêtises. Tu vas aller taper les enfants de tout le monde. Non. Tu vas attraper ta patte, tu vas te montrer que c'est pas l'éducation qui t'est donnée. C'est comme ça que Dieu fait. Il va les corriger. Et quand il va corriger, même si le pasteur était parmi les collègues des pasteurs, quand il vient témoigner là-bas, les gens entendent que ça, c'est pour toi. Parce que Dieu a de le corriger lui-même. Il y a parmi les musiciens du monde que Dieu a converti. Oui. Ils se mettent là-bas sur la télé, ils prêchent, ils disent que non, c'est juste pour le reprendre, pour le reprendre, pour le reprendre. Donc c'est parce que t'es certainement comme Carrie Wopso. Ce qui est arrivé à. C'est pas Wopso, c'est Karim. Quel décès. Peut-être ce qui lui est arrivé là, c'est ce qui est arrivé à celui-ci. C'est celui-ci. Peut-être, ou bien il a manqué d'inspiration, c'est pour ça qu'il allait dans les temps, et alléluia. Tu vois, il aura toujours des choses à il dire. Il est fatigué, c'est vrai. Mais la passion maintenant sera du côté de Dieu, parce que c'était un enfant de Dieu qui s'est trouvé parmi les musiciens. Dieu l'a attrapé. D'autres sont parmi les francs-maçons. C'est vrai que moi, il disait, c'est un frère Gignon. Ça, c'est un de toi et les musiciens. Tu disais de quel musicien? Grâce des cas. La grâce des cas. Et à Massin Bongo. Oui. Tu as dit à Massin Bongo que Massin Bongo t'a dérange. Oui, il a commencé que ça n'a pas commencé, il a glissé. Il a glissé, que Massin Bongo dérange. Bon, je vais lui dire ça, d'accord? Non. Ouais. Il était à Pamela, il a fait des choses comme ça. Si tu le vois maintenant, tu vas dire quoi? On écoute une de ses chansons, d'accord? Moi, il m'était. En fait, je disais ça, mais il y a une fois où Brice m'avait dit que qu'on se garde de. Il disait souvent quoi, voilà. Tout blasphème, tout péché sur terre seront pardonnés. Aucun blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, si tu ne connais pas mieux, tu fermes ta soupape. Donc, du coup, même quand il va gagner par le Dieu, je me tais. Tu tais, toi, que tu avances. Avance. Voilà. Depuis là, je ne fais plus ça. Je me tais. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ton mari vient. Ton mari est où? Il est ici à Douala. Eh bien, tu, il faut qu'on s'arrête aujourd'hui, et puis on va prendre encore un nouveau, n'est-ce pas? Oui. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. On écoute. Frère Chignon, dès que ça ne fait pas. Après avoir écouté Massin Bongo. Hein? Après avoir écouté Massin Bongo, d'accord? Il n'y a pas de souci. En témoignage. Mm-hmm. Allons-y. Et dans la Bible, il y a un endroit où on dit beaucoup seront appelés, mais peu sont élus. Mm-hmm. Il dit quoi? Il y a plus appelés, mais peu d'élus. Voilà, ça veut dire qu'il y a différence entre appelés et élus. Donc tu passes sur Bamba Iba, tu cliques appelé, élu. Bamba Iba. Tu vas sortir. C'est un enseignement qu'on a fait avec les frères dans le monde entier sur ce que c'est que l'appeler, la différence entre appelé et élu. Donc tu vas écouter doucement et puis tu vas voir le résultat, d'accord? Okay. Et mais... en détail, tu notes les questions comme tu as des notes dans les cahiers. C'est très intéressant, d'accord? Ok. Mm-hmm. Mais je ne peux pas avoir un flash comme ça, frère. J'ai même juste pour. Pour te faciliter la tâche, quoi. Non, en tous les cas, je vais écouter. Parce que quand je joue, tous les thèmes sont tellement intéressants. Je ne sais pas, je ne sais pas là où. C'est pour ça qu'il dit. Je crois que. Lorsque je disais qu'il faut qu'on aille quelque part, c'est pour dire. Quand tu vas sur Bamba, avant d'aller sur Bamba, tu notes tout ce que tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin. D'accord? Tu notes, tu écoutes. D'accord? Ah, je ne sais pas. Je suis contente. Je sens quand je vais rentrer au juge là. Oh, Seigneur Jésus. Je vais dormir encore. Puis bien, même plus quand vous viens souvent. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut dire au frère Massin Bongo? Non. Que Dieu continue de bénir. Moi, que je me repense de ce que je disais souvent de lui. que je me repens. Donc c'est ton frère, d'accord. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc maintenant, contacte le frère qui t'a, à qui le, mon épouse t'a donné le numéro pour aller te baptiser. Mm-hmm. Frère Évé. Frère Évé. Mm-hmm. Comme ça, la prochaine fois, on va se réunir ici avec ta famille. Ah, donc c'est après le baptême. Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mm. Nous témoignons des bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage. Témoignage. Témoigne, mon frère. Quand j'étais du monde, impudique, je forniquais. Jésus est venu, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de nuit. Jésus est venu, il m'a racheté. Mon Jésus, mon Jésus, oh, oh. Seigneur. L'agneau immolé, le pain de vie, la lumière du monde, le bon berger, la porte des brebis, le vrai cep, la résurrection et la vie, mon Seigneur. Jésus est, tu es mon sauveur.